travels I go, safety I sleep, best that y'all know. Running around and doing all these shows, round the whole globe, I come a you go girl. Ain't you need to think of it, just a ride for the night, baby, live a bit. With a place to hit, and your pants is it. We can make a single party or you into it. Party or you into it. Party or you into it. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you come in with me, or I'm coming with you. Cause I finally found my own. Énergie Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Énergie, il est 6h, bonne fête, et c'est un véritable bouquet ce matin à Fleur et à Capucine, à Violette ou encore à Jasmine. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Trouver un moyen de faire exister légalement tous les bingos, tel est l'objectif que se sont fixés les initiateurs d'une pétition lancée dans une trentaine de lieux de jeu. La police lance un appel à témoins pour retrouver Maria Wenegei, âgée de 17 ans. Elle demeure à Nouméa sur Magenta Aérodrome et n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi. Le prochain comité des signataires est prévu le 7 novembre prochain. L'avenir institutionnel, la liste référendaire et les problèmes du nickel devraient être au cœur de ce dernier rendez-vous sous le mandat de François Hollande. L'obus à proximité de l'îlot Araignière a bien été neutralisé. Ça s'est passé hier matin et les FANC ont fait appel comme prévu à un plongeur démineur de Tahiti. Les services techniques et administratifs de la mairie de Ouégoua sont bloqués. Une délégation des tribus de Bondé et plusieurs administrés de la commune solidaires du mouvement ont manifesté leur ras-le-bol d'être touchés depuis un mois par la pénurie d'eau. Le plan de sauvetage du site Alstom de Belfort, qui sera présenté mardi par le secrétaire d'État à l'industrie, comprend une commande publique. Et puis à Marseille, Jean-Claude Gaudin a acté lundi l'abandon en raison des retards de paiement de ses promoteurs de la construction de la grande mosquée de Marseille. La vedette de télé-réalité américaine Kim Kardashian a été victime d'un vol à main armée à Paris dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôtel particulier du 13e arrondissement d'où ses agresseurs sont repartis avec environ 10 millions d'euros de bijoux. C'était dans le 8e arrondissement. Enfin, les rebelles des FARC ont assuré lundi qu'ils continueraient à observer le cessez-le-feu entré en vigueur il y a plus d'un an en Colombie au lendemain du rejet par référendum de l'accord de paix signé lundi dernier avec le gouvernement. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico, Païta et Point Boot. Alors, les cadeaux pour ce matin, bien c'est un double album, triple CD avec la Beach Party 2016. Donc le gros coup de fête, c'est les albums à posséder en ce moment pour aller danser et faire la grosse fiesta. Tout à fait. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Combien d'heures? Toute la nuit, là. Ah oui, toute la nuit, là. Tu mets en repeat, c'est deux jours. Hein. Tu mets en repeat. Tu mets en repeat. Repeat after me. Repeat, ça dure des jours et des jours. En hein. Oh, repeat, j'adore. Ben oui. Non, tu me moques pas de ton accent, JB. Ah non, ouais. C'est un spécial à moi. C'est spécial. C'est l'accent spécial Gold Coast. Massachusetts. Non, Gold Coast. Ils comprennent là-bas. Avec repeat. Ah ben oui. Mm. Hey, j'ai pas compris, repeat ce que tu veux. How much? C'est loin, ils comprennent tout ça. Donc il y aura Beach envoyé, Beach au 3511, 231 francs le SMS. Et puis il y a plein de musique comme Mike Posner. Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes, life is like a movie set. And I seem to be given no role. But in times of trouble I can turn to my mother. And I know that she gon' understand. So at age 18 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments in you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hurt, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. Play me on the radio, and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 22, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are. Fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are. L'éphéméride d'énergie, c'est un jour, un événement. Nous sommes en quelle année? Eh bien, bien sûr, un 4. On est déjà le 5? Non. Ah oui, je suis déjà mercredi, moi ça va pas. Ça ne va pas du tout. Quel événement? Ben, on est parti, allez, ce sera demain. Love me do, ben oui. La sortie du premier tube des Beatles sort en Grande-Bretagne, enregistré à Londres sous la direction du chef d'orchestre George Martin. Le disque monte quand même à la 17e place du hit-parade. En février 63, il atteindra même la première place. La carrière des Beatles est lancée. Vous avez vu que des tubes duraient au moins 6 mois là-bas à l'époque. Au moins. Alors que maintenant, c'est un peu du jetable hein, quand même. Énergie 6h08. Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Attention, ceci est un message à destination de toutes les femmes de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, avec les nouvelles calédoniennes, retrouvez votre magazine femme. À découvrir le dossier spécial de notre rédaction consacré à la beauté féminine. Également dans ce numéro, 14 pages de mode spécial lingerie. Et retour sur la Fashion Week avec le défilé de Marc Jacobs. Alors n'oubliez pas, votre magazine femme, c'est aujourd'hui avec les nouvelles calédoniennes. L'apprentissage est, voilà un messager. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager. Oh. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Vous avez plus de 24 ans? Vous êtes passionné d'automobile? Peugeot Nouvelle-Calédonie organise un casting de pilotes d'essai pour tester en avant-première les nouveautés Peugeot. Inscription avant le 30 octobre sur www.essai.peugeot.nc. Seulement 6 places disponibles. Ménard Automobile, 41 44 70. Du 1er au 16 octobre, les commerçants vous emmènent vers la destination cadeau. Déposez tous vos bulletins de jeu dans les stations Total pour le tirage au sort final. Gagnez du carburant, une plate et sa remorque et des millions de francs en bons d'achat à dépenser. En tout, près de 4 millions mis en jeu. Plus d'infos sur la page Facebook de Bravo l'été. Madeco ouvre ses portes aujourd'hui. Nouveau magasin de décoration avec ses mises en ambiance, objets de décoration. Madeco, c'est des idées cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir. Des idées pour vous changer la vie avec des thèmes sympas. Tout pour embellir votre intérieur. Madeco, entre Geffroy et Luminaire Plus, Zac Panda, ouvert du lundi au samedi. Renseignements au 45 02 38. Madeco, c'est Madeco autrement. Iris Cafeteria, votre restaurant de la galerie marchande Kenwin, vous propose en exclusivité ce vendredi 7 à partir de 17h30 un concert de pur rock avec le groupe Les Trois Petits Cochons. Venez profiter d'une ambiance festive en famille ou entre amis. Plus d'infos sur le Facebook Nouméa à table ou au 41 53 54. All right, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, c'est ma radio préférée. Énergie, it's music only. Et dans mes yeux tu le lis. je te mens mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. Ça. Et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Allez, on va se faire une autre date dans l'histoire. On en profite, je suis revenu au 4 octobre hein, quand même. 1961, après le succès de la 4 chevaux, Renault fait face à la concurrence féroce de la 2 chevaux de Citroën et se doit de réagir. La Régie présente alors un modèle citadin et populaire, initié dès 1956 par Pierre Dreyfus, alors président de l'entreprise. Alors, à votre avis, c'est quoi comme véhicule qui succède à 4 chevaux? Eh bien oui, abandonnant la propulsion au profit de la traction, la 4L, c'est bien d'elle qu'il s'agit, renommée ensuite Renault 4, est également robuste et s'affirme même dans le domaine sportif. Produite pendant plus de 30 ans, elle sera la voiture française la plus vendue de tous les temps, avec 8 millions d'exemplaires. Restez avec nous à suivre la météo. Énergie Nouméa, 93.5. Optique 2000, c'est 3 boutiques plus proches de vous. Place des Cocotiers, rue de l'Alma et Ansvata. Optique 2000. Nouvelle vision de la vie. Connexion internet, fax et scan. Cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification. Cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé Cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne. Derrière le musée de la ville. Joue avec Mélissa pour gagner un robot de cuisine KitchenAid d'une valeur de 67 900 francs et 10 bons d'achat chez Tablier Blanc, valeur d'un bon d'achat 10 000 francs. Règlement du jeu disponible chez Maître Fandou au groupe Saint-Vincent. Envoie Mélissa au 36 00, 231 francs le SMS. À Atoubouchou présente le Titi Park, premier parc d'accrobranche pour les enfants de 3 à 10 ans. Partez à l'aventure en toute sécurité sur parcours certifié. Youhou ! En plus, le parking est assuré. Réservez en ligne sur www.titipark.nc. Plus de renseignements au 46 27 27. Oui ! À bientôt au Titi Park. Plus de 40 pilotes, un seul titre. Samedi 15 octobre dès 8h à l'arène du sud de Païta. Vivez la finale du Monster Energy King of Drift avec DIS, Ford et Repro Center. Pour la dernière manche du championnat de drift, les pilotes calédoniens vont vous offrir un spectacle inoubliable. Des animations surprises, de la fumée, de la glisse et les phases finales en nocturne. Samedi 15 octobre jusqu'à 20h30 à l'arène du sud de Païta. Rendez-vous pour la finale du Monster Energy King of Drift en partenariat avec Energy, SPAC et Chrono Pneu. Retransmission de la compétition en live et infos sur Facebook. Nouvelle-Calédonie Drift. Du 6 au 9 octobre, la Maison des Artisans présente la 26e édition du salon Batexpo. Batexpo, c'est LE salon pour construire. Et avec CFP, le partenaire officiel du salon, gagnez un superbe abri de jardin d'une valeur de 173 000 francs. Le 26e salon Batexpo, en partenariat avec Énergie, c'est à la Maison des Artisans du 6 au 9 octobre. Entrée gratuite. Le bulletin météo d'Énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Il y a encore du beau et ça va se dégrader à partir de jeudi. On y va direct avec le soleil ce matin. Il s'impose largement sur l'ouest et les loyautés. Le vent est faible, puis les brises de secteur ouest vont s'établir de 5 à 10 nœuds en fin de matinée. Ça, c'est sur l'ouest encore. Ailleurs, le vent souffle entre 5 et 10 nœuds de nord à nord-est, localement 10-15 nœuds sur le nord et l'extrême sud. Dans l'après-midi, le soleil brille encore sur les loyautés et l'ouest. Le ciel se charge sur le relief avec des averses éparses et des débordements vers le littoral est, ainsi que dans une moindre mesure sur l'extrême sud. Les températures maximales, elles sont comprises dans une moyenne supérieure au normal de saison, évoluant de 27 à 31 degrés, voire 32 sur l'ouest. Allez, demain, le soleil reste bien présent sur tout le pays. Toutefois, des bandes de nuages élevées circulent sur le sud et le sud-ouest, annonciateurs de l'arrivée d'une dégradation nuageuse et pluvieuse sur la façade ouest dans la nuit de mercredi à jeudi. La météo, c'est 3 rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. So if I stand in front of a speeding car, would you tell me who you are, or what you like, what's on your mind if I get it right? Our love that no one knows, and the secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know, even a half smile down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. This is the safest way to go. Nobody gets hurt. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You go back to him and then I'll go back to her. So if I stand of a speeding car, would you give your little heart? Say the word, I'll do it too. Just me and you, this way everyone will know. Cause the secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. back to her. I'm so happy, cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. We'll go miss Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28-0404. Les fêtes du jour, elles ont changé depuis 6 heures. J'ai retrouvé la bonne page. Bonne fête à Or, à Francis, à Franck et à Oriane. Comme ça, vous êtes au courant pour demain que ce sera Fleur et toutes les autres. Il est maintenant 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Une pétition circule pour régulariser les bingos sauvages. Trouver un moyen de faire exister légalement tous les bingos. Tel est l'objectif que se sont fixés les initiateurs d'une pétition lancée dans une trentaine de lieux de jeu. Ils espèrent recueillir des milliers de signatures. Selon ces derniers, il y aura au moins 80 bingos qui se font de façon régulière un peu partout. Ce sont plusieurs centaines de millions de francs qui sont reversés, plus de 160 familles qui en vivent et au moins 15 000 joueurs qui viennent s'asseoir à une table chaque semaine. Les initiateurs de cette pétition sont en train de voir avec un avocat comment légaliser cette pratique, mais ils veulent aller au-delà et créer même une structure qui puisse réguler tous ces lieux. Le premier qui sortirait des clous serait exclu. Le prochain comité des signataires est prévu le 7 novembre prochain. L'avenir institutionnel, la liste référendaire et les problèmes du nickel devraient être au cœur de ce dernier rendez-vous sous le mandat de François Hollande. L'ordre du jour est en cours de finalisation. Par conséquent, rien d'officiel n'a pour le moment été communiqué aux élus calédoniens. On peut cependant être à peu près sûr que le rapport de la mission d'experts sur les valeurs communes et les divergences au sein de la mosaïque calédonienne sera au cœur des discussions. Les services techniques et administratifs de la mairie de Ouégoua bloquaient lundi matin une délégation des tribus de Bondé et plusieurs administrés de la commune solidaire du mouvement ont manifesté leur ras-le-bol. Ils sont touchés depuis un mois par la pénurie d'eau et ont demandé une entrevue avec le maire et l'exécutif pour avoir une explication. Depuis maintenant près de 4 semaines, des habitants des tribus de Saint-Michel, de Saint-Pierre, Saint-Timothée et Sainte-Anne n'ont plus d'eau chez eux. Le temps est à la débrouille en attendant des solutions plus pérennes. Dans le reste de l'actualité, le plan de sauvetage du site Alstom de Belfort qui sera présenté mardi par le secrétaire d'État à l'industrie comprend une commande publique de 16 rames TGV et de leurs 32 motrices. À 30 millions d'euros la rame et ces deux motrices, cela représente un coût de près de 500 millions d'euros dont on ignore à ce stade comment il sera financé ou qui exploitera ces nouveaux TGV. Jean-Claude Gaudin a acté lundi l'abandon en raison des retards de paiement de ses promoteurs de la construction de la grande mosquée de Marseille, dont la première pierre avait été posée en 2010 dans les quartiers nord de la ville. La mosquée devait accueillir quelque 7000 fidèles et comprendre outre la grande salle de prière, une école coranique, un restaurant, une librairie, une bibliothèque. Et puis la vedette de télé-réalité Kim Kardashian a été victime d'un vol à main armée à Paris dans la nuit de dimanche à lundi, dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, d'où ses agresseurs sont repartis avec environ 10 millions d'euros de bijoux, très remués mais indemnes selon son agent. La vedette s'est envolée du Bourget à l'Aube dans son jet privé après avoir été entendue par la police judiciaire. Selon l'enquête part de loin. Enfin, les rebelles des phares ont assuré lundi qu'ils continueraient à observer le cessez-le-feu entré en vigueur il y a plus d'un an en Colombie, au lendemain du rejet par référendum de l'accord de paix signé lundi dernier avec le gouvernement. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie.

think you should hop. When you're gone. la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Dans un instant, je vais vous parler du prénom du jour, c'est Francis. On va revenir sur le jeu. En ce moment, vous jouez pour le triple CD. Ça existe encore, des disques, il y a des belles choses dedans. C'est le Beach Party 2016. Cette semaine, vous verrez qu'il y a deux albums à gagner différents. Là, c'est le triple CD Beach Party 2016. Envoyez Beach, comme la plage. Au 35-11, tirage au sort à 7h10. Delphine, du côté de l'info, qu'est-ce qu'il se passe ? On va jouer au bingo. Tu sais que les bingos sauvages font circuler une pétition pour régulariser l'activité, on en parle à 7h. Et puis Francis, c'est un prénom dérivé de Francus, qui signifie homme libre. Il est considéré comme le saint patron de l'Italie, des animaux et de l'écologie. C'est justement la journée mondiale des animaux, today. Francis possède une forte sensibilité, doublée d'une intuition remarquable. Alors, l'âge moyen de Francis est de 69 ans. La meilleure année, c'était 1952, avec 5716 naissances de Francis cette année-là. Et puis, en 2013, il y a seulement eu 21 garçons qui ont reçu ce prénom. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. L'ASFAC, votre spécialiste de la pièce détachée automobile. Outillage et peinture automobile. 27 87 87. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Vous avez plus de 24 ans ? Vous êtes passionné d'automobile ? Peugeot Nouvelle-Calédonie organise un casting de pilotes d'essai pour tester en avant-première les nouveautés Peugeot. Inscription avant le 30 octobre sur www.essai.peugeot.nc. Seulement 6 places disponibles. Ménard Automobile, 41 44 70. L'événement à ne pas manquer aux Trois Brasseurs, c'est l'Oktoberfest, du lundi 3 octobre au dimanche 9. Soirée spéciale jeudi 6 octobre. Au programme, musique et spécialité bavaroise, staff costumé et plein de lots à gagner, dont 3 vols en ULM. Avec Air Lagoon, pour l'Oktoberfest, rendez-vous aux Trois Brasseurs. Plus d'infos sur notre page Facebook, les Trois Brasseurs Nouméa. La ville de Nouméa présente la grande finale Danse ma ville, ce mercredi 5 octobre à 13h, place des Cocotiers. Venez nombreux soutenir et encourager les groupes de Baudoux, Champagna, Cluny, Caméré, Normandie, Tuban et Montravel. Votez dès maintenant pour votre groupe préféré sur Facebook Nouméa ma ville. Et rendez-vous ce mercredi pour la grande finale de Danse ma ville à 13h au kiosque à musique. Plus d'infos sur nouméa.nc. Ville de Nouméa, partageons l'événement. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100, comme 100 000 francs. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo. Envoie 100 CENT au 41. Énergie t'offre un bon d'achat de 100 000 francs. 100 000 francs. Valable dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. 100 pour 100 000 francs. Et tu pourras faire tes courses pendant quelques mois pour seulement 368 francs. Envoie 100 CENT au 41. Et à toi, le bon d'achat de 100 000 francs. Validité 6 mois dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage sort le 31 octobre à midi en direct sur Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. Yes!

aller au-delà et créer une structure qui puisse réguler tous ces lieux. Le premier qui sortirait des clous, d'ailleurs, serait exclu. Une disparition inquiétante d'une jeune mineure. La police lance un appel à témoins pour retrouver Maria Wenegei, âgée de 17 ans, fille de Armand Wenegei et Marthe Coche. Elle demeure à Nouméa sur Magenta Aérodrome. Elle a disparu depuis vendredi. Si vous avez des informations concernant sa localisation, vous pouvez contacter le 17 ou le 24 33 00. Le prochain comité des signataires est prévu le 7 novembre prochain. L'avenir institutionnel, la liste référendaire et les problèmes du nickel devraient être au cœur de ce dernier rendez-vous sous le mandat de François Hollande. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un vendredi mais un lundi que devrait avoir lieu le 15e comité des signataires. La date avancée est à présent celle donc du lundi 7 novembre à Paris bien sûr. L'ordre du jour est en cours de finalisation, par conséquent rien d'officiel n'a pour le moment été communiqué aux élus calédoniens. On peut cependant être à peu près sûr que le rapport de la mission d'experts sur les valeurs communes et les divergences au sein de la mosaïque calédonienne sera au cœur des discussions. L'obus à proximité de l'île aux Larinières a été neutralisé. Et ça s'est passé hier matin. L'obus datait de la Seconde Guerre mondiale. Deux projectiles avaient déjà été découverts dans cette zone. La province sud avait demandé une nouvelle mission de reconnaissance pour éviter tout incident. Le périmètre est désormais blanchi, selon le terme militaire. Cyril Boulet, officier NEDEX, neutralisation, enlèvement, destruction et explosifs, des FANC, en charge de la mission, nous l'écoutons. Alors l'obus se trouvait à environ 2,50 m de profondeur lorsque la marée était haute et il se trouvait à une soixantaine de mètres du bord de l'îlot Larinière. Alors comment procède-t-on ? Donc là on a neutralisé l'obus, c'est-à-dire qu'on a retiré la partie qui était dangereuse, qui risquait d'initier l'obus à tout moment, car on est dans une zone protégée et il fallait faire des dégâts minimum sur l'environnement. Donc on a utilisé un procédé qui permet d'éliminer la partie dangereuse et ensuite l'obus est transporté et là on l'a vidé de sa matière, il servira dans notre collection de travail pour les sensibilisations à venir. C'est une opération risquée. C'est un objet qui est dans l'eau à la Seconde Guerre mondiale, donc il est attaqué par la rouille, il était recouvert de concrétion calcaire, donc oui, il y a quand même un risque. L'explosif est au contraire, il devient de plus en plus instable, plus loin il est stocké dans les très mauvaises conditions, comme c'était le cas ici. C'est pour ça que c'est du personnel hautement qualifié qui est intervenu dessus. L'opération a pris fin à 9h, le site a rouvert au public. Ce type de mission n'est pas rare sur le territoire, les FANC interviennent une fois tous les 10 jours pour neutraliser les nombreux restes de guerre que l'on retrouve lors de travaux, tout simplement dans les jardins. Les services techniques et administratifs de la mairie de Ouégoua bloqués. Lundi matin, une délégation des tribus de Bondé et plusieurs administrés de la commune solidaire du mouvement ont manifesté leur ras-le-bol. Ils sont touchés depuis un mois par la pénurie d'eau et ont demandé une entrevue avec le maire et l'exécutif pour avoir une explication. Depuis maintenant près de 4 semaines, des habitants des tribus de Saint-Michel, de Saint-Pierre, de Saint-Timothée et Sainte-Anne n'ont plus d'eau chez eux. Le temps est à la débrouille en attendant des solutions plus pérennes. Dans le reste de l'actualité, nous avons l'État qui vole au secours d'Alstom. Le plan de sauvetage du site de Belfort qui sera présenté mardi par le secrétaire d'État à l'industrie comprend une commande publique de 16 rames TGV et de leurs 32 motrices. À 30 millions d'euros la rame et ses deux motrices, cela représente un coût de près de 500 millions d'euros dont on ignore à ce stade comment il sera financé ou qui exploitera ces nouveaux TGV. Cette commande permettra d'assurer 2 ans de travail au site de Belfort, de quoi combler partiellement un trou de 3 ans dans les carnets de commandes du groupe en 2019, 2020 et 2021 afin de retrouver de la visibilité en 2022 grâce au TGV du futur. Alors, ce site sera par ailleurs transformé par Alstom en centre européen de la maintenance ferroviaire sous un investissement de 70 millions d'euros. Le groupe y produira aussi à l'avenir des autobus électriques. Marseille enterre son projet de grande mosquée. Jean-Claude Baudin a acté lundi l'abandon en raison des retards de paiement de ses promoteurs de la construction de la grande mosquée de Marseille dont la première pierre avait été posée en 2010 dans les quartiers nord de la ville. L'édifice devrait être érigé dans le 15e arrondissement, devait être, sur l'emplacement des anciens abattoirs et compter parmi les plus grands de France avec une salle de prière de 2500 m². La mosquée devait accueillir quelques 7000 fidèles et comprendre, outre la grande salle de prière, une école coranique, un restaurant, une librairie et une bibliothèque. Kim Kardashian, victime d'une attaque à main armée à Paris. Et la vedette de télé-réalité américaine a été victime d'un vol à main armée dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, d'où ses agresseurs sont repartis avec environ 10 millions d'euros de bijoux. Son garde du corps assurait au même moment en fait la sécurité de sa sœur en boîte de nuit. Très remuée mais indemne, la vedette s'est envolée du Bourget à l'aube dans son jet privé après avoir été entendue par la police judiciaire. L'enquête de ce qui se dessine comme étant le plus important vol de bijoux des 2 dernières décennies a été confiée à la brigade de répression du banditisme qui, selon une source policière, part de loin. Les FARC promettent de respecter la trêve en Colombie. Eh oui, les rebelles ont assuré qu'ils continueraient à observer le cessez-le-feu entré en vigueur il y a plus d'un an en Colombie, au lendemain du rejet par référendum de l'accord de paix signé lundi dernier avec le gouvernement. Les forces armées révolutionnaires de Colombie disent rester fidèles à l'accord de paix et elles appellent les organisations sociales et politiques à se mobiliser pacifiquement et à soutenir le texte négocié pendant 4 ans à La Havane et qui a été rejeté de peu à 50,21% dimanche par les Colombiens, mais avec une forte abstention lors de cette consultation. Après ce refus surprise, la Colombie n'est plus favorite, à noter, pour le prix Nobel de la paix qui doit être décerné vendredi. Et on passe à l'info insolite. Vous qui avez des ados à la maison, vous allez peut-être comprendre cette insolite. Une adolescente américaine fait malgré elle les frais d'un comportement difficile à la maison. Voilà, sa maman a refusé de lui faire un mot d'excuse classique pour l'école. Voilà ce qu'elle a écrit. « Au responsable concerné », ouvrez les guillemets, JB. « Cara est en retard ce matin, ce qui n'est qu'une conséquence d'un état qu'on appelle communément... » crise d'adolescence. Des adolescents de notre belle maison en sont affectés. Il n'existe pas de remède connu. Les symptômes sont multiples, mais ce matin en particulier, Cara a souffert d'une incapacité de s'extirper de son lit tout en ressentant le besoin de répondre avec insolence à sa génitrice. Elle semble recouvrer tout doucement ses esprits depuis qu'elle a vu son téléphone voler par la fenêtre de la voiture. Merci de me contacter en cas de nouvelles poussées. Alors, c'est pas très dolto, mais en tout cas, apparemment, ça a marché pour la jeune fille parce qu'elle a eu un peu la honte de sa vie. Ouais. Ben, c'est fait capter, la lettre circule partout. Puis ses profs le trouvaient qu'elle était assez discrète, assez sympa. Je pense que ça va un peu changer le regard. Pff, ouais, mais tu comprends pas ce que je vis. C'est ça aussi. Je peux pas comprendre. T'as pas une ado à la maison? Ah, oh, même. Oh, quand même. Vas-y, tu me fais une petite crise. Vas-y, fais-moi une petite crise. Vas-y, je sais vas-y pas claque la porte. Ah oui, je sais pas faire une crise. Comment on fait une crise? Aucune idée. T'as été un ado sympa, toi? Ouais, est-ce que je... Oh, ben, je... Non, mais honnêtement. Ah, t'es ado, alors j'en sais rien. Ah, t'es toujours pas sorti de l'adolescence. Pas bougé, pas grandi, moi, tu sais. 7h09. Donne-moi ton téléphone, il va voler. Non, je retourne Donne-moi dormir. Donne-moi ton téléphone. Tu vas pas retourner dormir, c'est midi. Bah, jusqu'à 15h. Pour retrouver les copains. Oh, un Pokémon, faut que j'aille. Je te laisse, j'ai un Pokémon. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. J'ai besoin d'oxygène encore à la semaine prochaine. Si le vent te ramène, j'ai pris froid hier. J'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra. À l'amour, à la haine, des envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Et c'est le coup de fil gagnant ce matin pour la compile Beach Party. Alors, un triple CD qui va revenir à qui? Ben, on ne sait pas, c'est un numéro de téléphone, hein, c'est anonyme derrière. On va le découvrir dans un instant. Allô? Bonjour, on est en direct sur Énergie. Oui. Est-ce que tu as encore en ta possession un lecteur CD? Oui. Est-ce qu'il est en état de marcher? J'en ai un, oui, dans la voiture, effectivement. Parfait. Quel est ton prénom? Christelle, ben voilà, c'est gagné pour cette compile Beach Party. Il y a pas mal de belles choses. Ben justement, le matin, ça va aider à faire la route. Ah ouais. Ouais, ça va bien pour bouger. Ma fille, en fait, elle va être contente. Ouais, ça va, tu vas voir, ça va bien bouger pour le retour aussi. Hein. On s'accompagne de belles musiques. Et ben voilà, superbe. Elle a quel âge ta fille? 13 ans. Ah oui, à fond dans la musique. C'est ça. Elle a des groupes préférés, tu les connais un peu? Tu partages ses goûts musicaux ou pas? Alors, ses groupes préférés, je n'en ai aucune idée. Non, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Ouais, mais il y a, je pense que des choses je connais les musiques, mais les noms, je ne connais pas du tout. Ouais, t'entends, tu reconnais. Si on te met Amir, par exemple, avec J'ai cherché, tu... Ah oui, ouais, ça, voilà. Je connais. Kenji Girac aussi, c'est pas mal, il y a des belles choses. Il y en a que je retiens. Ouais, quand même. Ben voilà, on est heureux de t'offrir ce cadeau. Donc, oui, la fille, tu l'as déposée au collège? Oui, je l'ai déposée il y a 5 minutes au collège. Mm-hmm. Et toi, tu prends le boulot? Voilà. Oui, je suis au boulot. Eh ben, c'est très bien. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous, Christelle. Merci, c'est sympa. Ça s'est bien passé sur la route, au fait? Oui, nickel, ça a été. Ça va, ça va en ce moment. Hier, quelle aventure avec les poneys, je ne sais pas si tu as suivi l'aventure, mais... J'ai fait la vidéo. Pendant une heure et demie, on a suivi ces poneys avec les gendarmes. Vidéo, c'était assez marrant. Ah ouais, avec les policiers aussi, c'était assez fun. Nous, on suivait ça par l'intermédiaire de nos auditeurs, c'était rigolo comme tout. Bon ben voilà, on t'embrasse. Merci beaucoup. Énergie Nouméa. 93.5. Vous avez des travaux à réaliser? Trouvez le bon professionnel au bon prix sur ibad.nc. Gratuitement et en quelques clics, demandez, comparez et sélectionnez le meilleur devis parmi notre réseau de professionnels certifiés. Rendez-vous sur www.ibad.nc. ibad.nc, le site référence du BTP. Retrouvez ibad.nc au Salon BatExpo. Climatisation, pompe à chaleur, chambre froide, CFC vous donne rendez-vous au Salon Habitat Déco du 6 au 9 octobre. Représentant officiel de la marque Daikin, Panasonic et Midea. CFC vous garantit l'installation, le service après-vente et les pièces détachées. CFC met ses conseils et son savoir-faire à la disposition des Calédoniens depuis plus de 20 ans. Plus d'infos au 24 06 07. C'est la fête du sourire. Le samedi 8 octobre de 9h à 16h à l'Hippodrome Henri Millard à Nouméa. Activités sportives, ateliers cirque, maquillage, jeux gonflables, bande à Momo. Viens en famille sourire avec nous avec tes marques préférées. Lu, Prince, Granola, Milka, Belvita, Carambar, Hollywood. L'entrée est gratuite et il y aura même un vélo, un skate et une trottinette à gagner. La fête du sourire, c'est le samedi 8 octobre de 9h à 16h à l'Hippodrome Henri Millard à Nouméa. Chef, c'est pas pratique l'armure, hein. Pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés, misez plutôt sur l'évaluation des risques. Chef d'entreprise, la CAFAT organise pour vous la 3e édition du Forum de prévention des risques professionnels les 26 et 27 octobre prochains à l'hôtel Le Méridien. Conférences, ateliers, partage d'expériences. Réservez dès à présent vos soirées. Inscription sur www.cafat.nc. L'évaluation des risques professionnels est une démarche obligatoire depuis 2015 pour tous les employeurs. Chérie, je suis rentré des courses. Alors, voyons si tu n'as rien oublié. Mes yaourts 0%, les sodas 0%, mes céréales 0%. Mais c'est quoi cette voiture? Une Peugeot à 0%. Eh oui, jusqu'au 15 octobre 2016, Peugeot vous offre un crédit auto à 0% pour l'achat d'une Peugeot 208. Ménard Automobile, 41 44 70. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions en concession. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie Non-Stop. Énergie. Énergie. Énergie. It's music only. You are the bravest man I've ever met. I'm reluctant at treacherous ledge. Only you are the sexiest man I've ever been with. Oh, you never harder than with thumb spin. Ever met. You, the stealth setter of new precedents. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Je vais vous raconter l'histoire d'un bébé qui est devenu célèbre, mais tellement célèbre qu'il a été vu au moins 30 millions de fois. De qui s'agit-il ? Eh bien, c'est un bébé qui a fait la couverture d'un album, celui de Nirvana. C'était le 24 septembre 1991, Nirvana qui sortait Nevermind, un second album au succès aussi considérable qu'inattendu qui allait populariser le rock alternatif et faire entrer le groupe de Kurt Cobain dans l'histoire. Alors en 25 ans, l'album au titre culte tel que Smell Like Teen Spirit, ça donne ça, hop. Il y avait aussi Come As You Are. L'album s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires. Eh bien, sachez que Spencer Elden est devenu, malgré lui, le bébé le plus connu de l'histoire du rock. En effet, le bambin était à peine âgé de 4 mois lorsque ses parents autorisent le directeur artistique de DGC Records à faire poser leur fils sur une idée originale de Cobain lui-même pour 200 dollars à peine à l'époque. Le petit Spencer nage donc nu comme un ver et les yeux grands ouverts dans la piscine du Rose Bowl Aquatic Center de Pasadena. Le billet d'un dollar suspendu au bout d'un hameçon, par contre, face à lui, a été rajouté plus tard sur la photo. Ça symbolise donc la génération appâtée par l'argent. Alors le jeune Elden n'en veut pas à ses parents d'avoir dévoilé son intimité au monde entier. Au contraire, cette photo, Spencer en est particulièrement fier. Celui qui est aujourd'hui artiste de rue en Californie avoue que cette célébrité l'a plutôt aidé pour sa carrière, ainsi qu'avec les filles. Et oui, un quart de siècle après la sortie de Nevermind, Spencer Elden a repris lui-même la pose. À un détail près, le jeune homme de 25 ans n'est plus nu. Vous visualiserez vraiment ce belle pochette Nevermind de Nirvana. Énergie, pratiquement 7h24. On fait une petite pause et on revient avec la météo. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 5. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Attention, moussaillon! Énorme arrivage d'équipements pêche Shimano à prix exceptionnel chez Scuba Loisirs. Scuba Loisirs, c'est deux magasins, Ducos ou Trianon, et sur Facebook. Scuba Loisirs, tout l'univers de la pêche et chasse sous-marine. Madeco ouvre ses portes aujourd'hui. Nouveau magasin de décoration avec ses mises en ambiance, objets de décoration. Madeco, c'est des idées cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir. Des idées pour vous changer la vie avec des thèmes sympas. Tout pour embellir votre intérieur. Madeco, entre Geffroy et Luminaire Plus, Zac Panda, ouvert du lundi au samedi. Renseignements au 45 02 38. Madeco, c'est Madeco autrement. Le Ciné City présente Radin. T'es toujours aussi radin ? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeau. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà ? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies ? Je peux faire mieux. Vous avez raté votre bus ? Avec ce qu'on paye en impôts locaux, je le prendrai quand ce sera gratuit. Radin, actuellement au cinéma. Ciné City, projecteur d'émotion. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100 comme 100 000 francs. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie 100 CENT au 41. Énergie t'offre un bon d'achat de 100 000 francs. 100 000 francs. Valable dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. 100 pour 100 000 francs. Et tu pourras faire tes courses pendant quelques mois pour seulement 368 francs. Envoie 100 CENT au 41. Et à toi, le bon d'achat de 100 000 francs. Validité 6 mois dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage sort le 31 octobre à midi en direct sur Énergie. La ville de Nouméa présente la grande finale Danse ma ville ce mercredi 5 octobre à 13h, place des Cocotiers. Venez nombreux soutenir et encourager les groupes de Baudoux, Champagnat, Cluny, Caméré, Normandie, Tuban et Montravel. Votez dès maintenant pour votre groupe préféré sur Facebook Nouméa ma ville et rendez-vous ce mercredi pour la grande finale de Danse ma ville à 13h au kiosque à musique. Plus d'infos sur nouméa.nc. Ville de Nouméa, partageons l'événement. Et top chrono. J'ai 31 secondes pour vous annoncer qu'à partir du 1er octobre, Canal+ lance une offre limitée. Vous avez 31 jours pour vous abonner à la formule librement à 7000 francs par mois au lieu de 7500 francs pour toute la durée de votre abonnement. La formule librement, c'est 73 chaînes radio et services, dont 3 chaînes Disney en exclusivité, mais aussi Novel As TV ou encore Planète+ pour le plaisir de toute la famille. Rendez-vous vite dans les boutiques Canal+ pour bénéficier de l'offre librement à 7000 francs par mois. Offre valable en Nouvelle-Calédonie pour tout nouvel abonnement de 12 mois à la formule librement souscrite entre le 1er et le 31 octobre 2016. Le bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Le soleil s'impose largement sur l'ouest et les Loyautés. Dans l'après-midi, le soleil brille encore avec un ciel qui se charge quand même sur le relief et des averses éparses et des débordements vers le littoral est ainsi que dans une moindre mesure sur l'extrême sud où il va faire chaud un petit peu plus que la moyenne normale avec des 27 à 31 degrés voire 32 degrés sur l'ouest. Demain, le soleil reste bien présent sur tout le pays. Toutefois, des bandes de nuages élevées vont circuler sur le sud et le sud-ouest, annonciateur de l'arrivée d'une dégradation nuageuse et pluvieuse sur la façade ouest dans la nuit de mercredi à jeudi. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. Stand to attention, the moments passed you by. Now is the rest of your life.

choisi d'être seul ici. J'ai pas choisi, pourtant c'est ainsi. Va voir là-bas, j'y suis moi aussi. Pas choisi d'être une anomalie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis, du lundi au vendredi. Guillermo Guise, j'ai bon fond, on a déjà entendu au moins deux sketchs de lui, Vivre Anderlecht. Et je m'appelle Guy. Ah oui, c'est Guillermo. Et moi, je viens de cet environnement, je vous dis, un peu compliqué. Et pourtant, je pense que je m'en suis plutôt pas mal sorti dans la personne que je suis. Je pense que j'ai plutôt un bon fond. Je pense que j'ai plutôt quelqu'un de digne. Ouais, j'ai plutôt un bon fond. Je pensais à ça récemment dans le métro à Bruxelles. En face de moi, il y avait un enfant. Vraiment moche. Vraiment moche. Un ratage complet. Pas un œil pour attraper l'autre. Tchernobyl, sérieux. Eh bien, je lui ai pas dit. Bon fond. Merci. Non, sérieux, ses parents étaient à côté, j'avais envie de les gifler, quoi. J'ai envie de leur dire, les gars, si tout le monde se met à faire des bestioles comme ça, dans 200 ans, on est de retour dans l'océan, quoi. Ah ouais, avec des nageoires, des branchies, une queue, enfin. Hey, y a un enjeu, c'est important l'évolution, faut se serrer les coudes. Je l'ai pas dit. Bon fond. Autre exemple, je prends jamais une place pour handicapés, jamais. Alors qu'avec mon prénom, théoriquement, il devrait y avoir droit, mais non, je prends jamais une place. Je prends jamais une place pour handicapé, alors qu'il n'y a jamais un handicapé sur une place pour handicapé. Jamais, jamais, jamais, pour une raison très simple, c'est que quand t'es handicapé, soit tu conduis pas, soit tu comprends pas que tu peux te garer sur la place pour handicapé. C'est vrai? Non. Sérieux, ces places, tu peux les réserver à des elfes ou à des licornes, c'est pareil. Il n'y aurait jamais personne dessus. Rendez-nous nos places de parking, bande d'égoïstes! Après, on parlera de vos rampes d'accès. Ils sont gonflés, les handicapés, à toujours se plaindre. En Belgique, c'est comme en France, il n'y a pas une minorité qui est mieux représentée au sommet de l'État. Chez nous, ils ont un roi, chez vous, ils ont un président. Et ils vont encore arriver les premiers magasins. Autre exemple, moi, je me drogue plus. Pour d'évidentes raisons financières. En Belgique, on a 53 euros. 53 euros le gramme de cocaïne, j'ai vu ça en Belgique. 53 euros. Moi, ça m'a toujours étonné, j'ai pris un peu de drogue dans ma vie, j'ai jamais vu un dealer avec du change. Les toxicomanes, ça va, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, la drogue, c'est comme la prostitution, c'est les métiers à prix rond, quoi. Il n'y a jamais une prostituée qui fait une passe à 42,50 euros avec une facture et une souche TVA, quoi. Ça n'existe pas. Et pour 53 euros, tu reçois une drogue affreuse, une cocaïne affreuse, mélangée avec de la poudre à lessiver. Moi, je me suis toujours dit, le jour où je reprends de la cocaïne, c'est bio. Le jour où quelqu'un viendra me dire, j'ai trouvé un petit producteur paraguayen, José Agustin, qui te fait une cocaïne, mon ami. Une merveille, avec que des produits frais. Et cerise sur le gâteau, tous les mercredis, il te fait ton petit panier coke. Avec que des drogues oubliées. Tant qu'il n'y aura plus ça, je ne prendrai plus de cocaïne. Parce que la drogue, quelque part, ça me manque. La drogue, s'il n'y avait que des aspects négatifs, personne n'en prendrait naturellement. Même la pire des drogues au monde, comme la drogue du crocodile, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. La drogue du crocodile, non, ça ne vous dit rien. C'est une drogue qui fait fureur en Russie. Et je vous explique, c'est un mélange de codéine, d'héroïne, d'iode, de phosphore rouge, d'essence et de dissolvant de peinture. Honnêtement, c'est fort. C'est fort. Non, c'est fort. C'est-à-dire que si t'es vite sujet aux rougeurs ou aux allergies, etc., va vers un autre produit. Parce que les effets sont dramatiques. Les effets sont dramatiques. C'est-à-dire que ta peau verdit, s'écaille et s'arrache, quoi. Et là, t'es transféré au Bayern de Munich, quoi. C'est vraiment... À l'origine, ils voulaient l'appeler la Ribéryl. Puis ils se sont dit, non, crocodile, c'est bien, c'est... Pour le marketing, c'est top. Non, c'est vrai. Et là, tu te dis quand même, qui a inventé un mélange pareil? Comment tu arrives à un mélange pareil? Codéine, héroïne, iode. Tu vois le mec qui a inventé le café au lait, par exemple. Un jour, il s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre une larme de lait dans mon café. Si j'aime pas, au pire, je me fais un autre café, c'est pas la fin du monde. Mais le mec qui s'est injecté un mélange de codéine, d'héroïne, d'iode, de phosphore, de dissolvant de peinture, et qui s'est dit, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça manque quand même vachement de diesel. Lui, je veux rencontrer ses veines. Tu dirais, tu sais quoi, mec, au point où tu en es, va au bout du délire, quoi. Deux feuilles de menthe, un peu de rhum, et tu te fais un crocodile mojito. Et au moins, c'est festif pour les 9 minutes qui restent à vivre. Mais c'est vrai. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls qui fera de votre déjeuner un moment coloré, vitaminé, complet et sain. Le gag d'énergie, on n'y résiste pas. Looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others are quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. But I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down. Make me feel the same. Make me feel the same. les yeux plus gros que le monde. Dr. Bellies, Big Black. Hey. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Black M. Personne cogité, t'as déjà dit tu depuis Wati, comment leur dire que c'est moi le king, c'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on me dit je suis chez père, mais le Big Black M il a ses pères. Et on dit que la chute elle est sévère, mais le débrouillard il sait faire. J'ai le sang du daron de la Guinée, tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est geeké. Je me fous de vos idoles qu'un riz, ce n'est pas eux qui me donnent le maro. Je suis pas dans les délires, elle est quand le soleil frappe, je suis plutôt maroc. Gros sang pour les refrains, il faut que tout le monde chante mon refrain. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Black M. Quand il chantait, il faisait la diff. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Prenez pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Sans pour autant vouloir être mauvais, m'en voulais pas d'avoir innové. Oh, tous vos sons me donnent la nausée. J'étais au Dakar souvent posé. Je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver. Fuck l'intérim, je préférais chômer. Beaucoup m'ont dit que je finirais paumé. J'avais que section pour m'épauler. J'étais souvent dur et en colère. Oui, je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les horaires. Et mes ennemis, je disais, je les aurais. Je ne suis pas là pour décorer. Non, Renoir, faut pas décoller. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Black M. Quand il chantait, il faisait la diff. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Prenez pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Ma peine sur mon titre, mon gars. Si j'ai les yeux plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'ont vu tous les grands du monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et mon style. Pour m'en sortir, j'ai dû transmettre ma peine sur mes titres, et mon gars. Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Black M. Quand il chantait, il faisait la diff. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Vous écoutez Énergie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico, Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités, tous les matins sur Énergie, avec le SAV Samsung Nouvelle-Calédonie, votre SAV agréé niveau 3 Samsung et pièce d'origine garantie. On commence avec celui qui a fait son grand retour il y a quelques jours avec un nouveau single, Entre elle et moi. C'est un hommage à sa femme, c'est le chanteur Julien Clerc, il a 69 ans. Entre elle et moi, il y a des printemps. Quelques années qui ruissellent entre elle et moi, c'est comme ça. Une autre elle, eh bien c'est Anastasia dans 50 nuances degrés. Elle est d'ailleurs très attendue dans la suite, 50 nuances plus sombres. C'est l'actrice Dakota Johnson, elle a 27 ans. Suzanne Sarandon en a 70. Et puis on va terminer avec un petit clin d'œil à Snoopy qui a vu le jour il y a 66 ans. La race de Snoopy, c'est un beagle. C'est un chien d'origine anglaise. Et le dessin animé, le dessin, c'est d'origine américaine. Fêtez l'anniversaire des célébrités sur Énergie avec votre nouveau SAV Samsung Nouvelle-Calédonie à Ducos, 28 73 deux fois. Énergie Nouméa, 93.5. À suivre, Vandercroot qui va nous dire qui a inventé le dentifrice. Dernière semaine d'anniversaire chez les Maisons de la Montre. Jusqu'au 8 octobre inclus, profitez sans plus attendre des moins 30% sur toutes les montres chez vos deux Maisons de la Montre, Ville et Belleville. Joue avec Mélissa pour gagner un robot de cuisine KitchenAid d'une valeur de 67 900 francs et 10 bons d'achat chez Tablier Blanc, valeur d'un bon d'achat 10 000 francs. Règlement du jeu disponible chez Maître Fandou ou au groupe Saint-Vincent. Envoie Mélissa au 36 00, 231 francs le SMS. Du 7 au 15 octobre, venez participer au festival La Première Séance Orex Nouméa. Au programme, des ateliers, des animations et des films au prix unique de 100 francs. La première séance, un feu d'artifice d'émotion présenté par l'association Jeunes Étoiles et la ville de Nouméa. Les 8 et 9 octobre, rejoignez-nous et venez vivre deux jours authentiques, découverte d'activités au cœur de la commune de Vaux. Mixité, convivialité et partage assuré. Renseignements et réservations, de préférence avant le vendredi 7 octobre à 12h auprès de l'écomusée du café. Renseignements au 47 37 36 ou au 75 95 65. Dundéa fête la jeunesse samedi 8 octobre au Skatepark de Coutiot avec la deuxième édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graphe, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulette préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au Skatepark de Coutiot. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dundéa, événement en partenariat avec Énergie. J'aime vivre. Attention, la saison cyclonique approche. EEC vous rappelle qu'il est de votre responsabilité, locataire ou propriétaire, de veiller à ce que votre végétation soit en permanence située à la distance réglementaire des lignes électriques. Alors pour ne pas rester sans courant après le passage du cyclone et éviter de payer les dégâts occasionnés, j'élague ma végétation. EEC vous recommande de faire élaguer votre végétation par un professionnel habilité. Consultez notre brochure élagage disponible en agence ou visitez notre site internet eec.nc. Pour ma sécurité et la sécurité de tous, je surveille ma végétation. EEC, ensemble, nous pouvons faire plus. Yeah. Énergie Nouvelle-Calédonie. J'écoute Énergie partout. Énergie. It's music only. La minute du professeur Vandercroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socaport, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Vandercroot. Qui a inventé le dentifrice? Le quoi, professeur? Ah oui, justement, je voulais vous en parler, stagiaire Bernardin. Ma radinerie m'empêche de vous en offrir, mais il existe un très bon remède contre cette odeur pestilentielle qui embaume la pièce quand vous ouvrez la bouche. Ah bon? D'ailleurs, qui vous a autorisé à enlever votre muselière? Venez là! Venez la mienne! Jamais à court d'invention, ce sont les Égyptiens qui se sont les premiers penchés sur la santé bucco-dentaire de leurs semblables. En 2000 avant Jésus-Christ, la première recette du dentifrice voit le jour. Ses ingrédients? Du vinaigre, de vin et de la pierre ponce. J'aurais préféré me faire arracher une dent. Un peu abrasif et pas franchement efficace, l'humanité pura de la gueule jusqu'à l'époque de Jules César. Les Romains, obsédés par la blancheur des dents, sont persuadés que le meilleur moyen d'avoir un sourire ultra bright est de se rincer les dents avec leur propre urine. J'aurais préféré me faire arracher toutes les dents. D'autant plus que si la couleur en est effectivement meilleure, c'est pas le cas de l'odeur. Ça rime, professeur. D'ailleurs, les Romains les plus fortunés allaient jusqu'à s'offrir de l'urine de Portugais, réputée pour être la plus forte d'Europe. Et les ancêtres des ancêtres de vos ancêtres se sont lavés les dents avec leur pipi, puisque jusqu'en 1700, l'urine est restée un ingrédient actif du dentifrice. Allez, santé et gargarisez bien, hein. Je vais peut-être passer mon tour, monsieur. Stagiaire Bernardin, on a besoin de vous, là. Vous saurez tout dans la minute du professeur Vandercroot. Avec Cuisine Plus, chez Socaport Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme.

Un plan de sauvetage du site Alstom de Belfort qui sera présenté mardi par la secrétaire d'État à l'industrie comprend une commande publique. Et puis à Marseille, Jean-Claude Gaudin a acté lundi l'abandon en raison des retards de paiement de ses promoteurs de la construction de la grande mosquée de Marseille. Et puis la vedette de télé-réalité américaine Kim Kardashian a été victime d'un vol à main armée à Paris dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, d'où ses agresseurs sont repartis avec environ 10 millions d'euros de bijoux. Enfin, les rebelles des FARC ont assuré lundi qu'ils continueraient à observer le cessez-le-feu entré en vigueur il y a plus d'un an en Colombie, au lendemain du rejet par référendum de l'accord de paix signé lundi dernier avec le gouvernement. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. En équipe de France, blessé, Mangala est remplacé par Kimpembe. Et Presnel Kimpembe, défenseur central du PSG, a été convoqué ce lundi en équipe de France pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie face à la Bulgarie et aux Pays-Bas. Il remplace poste pour poste Eliakim Mangala. Le joueur de Valence s'est blessé, lui, à la cuisse dimanche. Après les déclarations de Karim Benzema, Didier Deschamps a été invité à réagir. Écarté depuis 10 mois à la suite de l'affaire de la sextape, l'attaquant du Real Madrid a fait part de son envie de revenir chez les Bleus. Un appel du pied qui n'a pas semblé toucher le sélectionneur tricolore. Didier Deschamps ne semble pas disposé à le rappeler en équipe de France. Je n'attends rien, dit-il, de Karim comme des autres. Ce n'est pas ce qui peut être écrit ou ce que les joueurs peuvent dire dans leur interview qui va changer quoi que ce soit à ce que je peux penser ou aux joueurs que je peux choisir. La suspension de Balotelli pourrait être levée. Arbitre de Nice-Lorient dimanche, Olivier Toual a reconnu qu'il n'aurait pas dû adresser un carton rouge à Mario Balotelli. Le Niçois devrait donc être disculpé par la commission de discipline jeudi et ainsi pouvoir affronter Lyon. Roland Garros, c'est le Conseil d'État qui autorise la construction du nouveau court dans les serres d'Auteuil. Après des mois d'incertitude et de statu quo, le nouveau Roland Garros, véritable serpent de mer du sport français ces dernières années, devrait enfin connaître un nouveau coup d'accélérateur. Lundi, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a donc annoncé avoir annulé pour erreur de droit l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 24 mars dernier qui avait suspendu l'exécution du permis de construire autorisant les travaux de la Fédération dans le jardin des serres d'Auteuil. Énergie Sport News avec les pneus Pirelli chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie Sport News. Tous les matins de 8h à 9h dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour, et comment ça va ce matin? Ça va et toi? Oh bah ça va super, bienvenue dans Caféine, si vous nous rejoignez sur Énergie. On va jouer au bidule ce matin. Ouais, il est à combien le bidule? Il est à 141 000 francs peut-être. Ouais, c'est tout à fait ça, comment tu sais? Je suis allé voir sur le site Énergie pour voir les dernières propositions que t'as faites hier. Pour pas que tu les refasses, c'est ça? Et tu t'en souviens par cœur? Ah mais absolument. Ouais, qu'il est sérieux. Il y avait... Alors, elle est en train de débrancher une prise de jack. Ou une fiche auxiliaire. Croquer dans une pomme. Oui, il y avait... Non, oublie celle-là. Va te faire voir chez les Grecs, c'est ça, non? Non, cisailler une tôle, ça va être un peu différent. Oui. Ça va être un peu compliqué. Vas-y, fais-moi cisailler une tôle. Je pense que c'est avec une grosse scie comme ça, là. Mais non, là, c'est bois. Cisailler une tôle, c'est une sorte de pince avec des mâchoires. Enfin, voilà, c'est une sorte de gros ciseau, en fait. D'accord. Ça, c'est un bricoleur, ça, tu vois. Ouais, mais je pense que ça ne me sera pas utile dans ma vie. Je ne suis pas bricoleur, mon gars, mais je vais faire le salon Bat Expo à partir de jeudi. Ouais, il a déjà préparé ses fiches. Ça, des outils, mais là, j'en ai une caisse. On ira te voir, JB, pour faire le contrôle. Absolument. Exactement. Monsieur Bricolo, eh bien, on jouera au bidule sur les coups de... Ouf, comme ça t'arrange, 8h15 ou 8h40? Ouais, allez, 8h, on verra. D'accord, on verra. Surprise. 36 67 67, c'est le numéro pour gagner la cagnotte de Casino Johnstone. Et puis, on va écouter, pour démarrer, The Blind Sons. Tiens, c'est Rockefeller.